je chercherai celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Les sentinelles qui gardent la ville m'ont rencontré. N'avez-vous pas vu celui qu'aime mon âme? Lorsque je les eus un peu dépassés, j'ai trouvé celui qu'aime mon âme. Je l'ai saisi, et je ne le laisserai point aller, jusqu'à ce que je l'introduise dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et par les cerfs des campagnes, ne troublez point, n'éveillez pas la bien-aimée, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Quelle est celle-ci qui monte du désert comme une fumée légère des aromates de myrrhe, d'encens et de toutes sortes de parfums? Voici le lit de Salomon. 60 héros l'environnent, choisis parmi les plus vaillants d'Israël. Tous tiennent des glaives et sont très exercés au combat. Chacun d'eux a l'épée au côté, à cause des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, les degrés de pourpre. Au milieu, il a tendu des tapis précieux en faveur des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon paré du diadème dont sa mère l'a couronné au jour de ses noces et au jour de la joie de son cœur. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes, sans ce qui est caché au-dedans. Tes cheveux sont comme des troupeaux de chèvres qui sont montés de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme des troupeaux de brebis tondues qui sont montées du lavoir. Toutes portent un double fruit, et il n'y en a pas de stérile parmi elles. Tes lèvres sont comme une bandelette d'écarlate, et ta parole est suave. Tes joues sont comme une moitié de grenade, sans ce qui est caché au-dedans. Ton cou est comme la tour de David, qui est bâtie avec des créneaux, 1000 boucliers y sont suspendus, toute l'armure des héros. Tes deux mamelles sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle qui paisse parmi les lys. Jusqu'à ce que le jour se rafraîchisse et que les ombres se dissipent, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a pas de tache en toi. Viens du Liban, mon épouse, viens du Liban. Viens, tu seras couronnée, du sommet d'Amana, de la cime du Sanir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu as blessé mon cœur, ma sœur, mon épouse, tu as blessé mon cœur par un de tes yeux et par un cheveu de ton cou. Que tes mamelles sont belles, ma sœur, mon épouse. Tes seins sont plus agréables que le vin, et l'odeur de tes parfums surpasse tous les aromates. Tes lèvres, mon épouse, sont un rayon qui distille le miel. Le miel et le lait sont sous ta langue, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur de l'encens. Ma sœur, mon épouse, est un jardin fermé. Elle est un jardin fermé, une fontaine scellée. Tes plants sont un jardin de délices, rempli de grenades et de toutes sortes de fruits, de cypres, de nards. Le nard et le safran, la canne aromatique et le cinnamome, et tous les arbres du Liban s'y trouvent, avec la myrrhe et l'aloès, et tous les parfums les plus exquis. La fontaine des jardins et le puits des eaux vives coulent avec impétuosité du Liban. Lève-toi, Aquilon, et viens, vent du midi, souffler dans mon jardin et qu'il exhale ses parfums. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange du fruit de ses arbres. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai recueilli ma myrrhe avec mes parfums. J'ai mangé le rayon avec mon miel. J'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, mes amis, et buvez. Enivrez-vous, mes bien-aimés. Je dors et mon cœur veille. Voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, mon immaculée. Car ma tête est couverte de rosée, et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique. Comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé sa main par l'ouverture de la porte